des inconnus. Avant on pouvait pas se quitter. On dit que l'amour rend aveugle. Moi sans toi je vois plus rien. On dit qu'il vaut mieux être seul, mais avec toi on ne formait qu'un. Je me souviens quand t'avais froid, c'est moi qui avais les frissons. Mais à trop compter les étoiles, j'ai oublié que t'étais mon monde. Je nous voyais quitter le sol. Aujourd'hui je me sens si seul. Et souvent je m'isole car j'ai besoin de voir qu'une personne loin de toi. Les secondes sont des minutes, les minutes sont des heures. Les mètres des kilomètres, loin des yeux près du cœur. J'ai beau souhaiter le bonheur, aucun ne sera à la hauteur des sentiments si forts que les miens. T'en trouveras pas ailleurs, j'ai fait un rêve qu'on pouvait remonter le temps. J'ai rêvé de l'impossible, j'ai rêvé que tu m'aimais tant. Tout ça pour dire qu'en fait, tu me manques terriblement. Je mets ma fierté de côté, un sacré événement. J'ai tant de mal à vivre quand tu es loin de moi. J'ai essayé de fuir mais tout me ramène à toi. J'ai beau changer de livre et tourner certaines pages, y'a tant de souvenirs, notre amour ne s'oublie pas. J'ai tant de mal à vivre quand tu es loin de moi. J'ai essayé de fuir mais tout me ramène à toi. J'ai besoin de revivre, de retrouver tes bras. Ce soir j'ai besoin de m'ouvrir, mi amor reviens-moi. Touché en plein torse, pouvoir de magicien. Tu n'es pas chirurgienne mais t'as mon cœur entre les mains. À deux on doutait de rien, surtout pas de nous. L'horizon n'était pas net certes, mais surtout pas flou. Je te jure depuis que t'es plus là, c'est tout le monde que je repousse. Moi je te rendrai heureuse, de quoi toutes les rendre jalouses. Il me reste que des photos, beaucoup de souvenirs en tête. J'ai peur que tu m'oublies, je veux juste que tu reviennes. J'ai plus de souffle, plus de courage, envie de rien à part de toi. J'ai beau brûler certaines pages, rien n'efface notre histoire. Y'a qu'avec toi que je me sentais si bien, oui que je me sentais si loin. Il y a deux mondes, le leur, mais surtout le tien et le mien. Pas besoin d'aller voir ailleurs, avec toi j'avais tout. J'étais devenu meilleur. Certains diront que je suis fou, je répondrai oui, mais de toi, des cœurs, y'en a plein. Mais sur terre, y'en a qu'un, compatible avec le mien. J'ai tant de mal à vivre quand tu es loin de moi. J'ai essayé de fuir, mais tout me ramène à toi. J'ai beau changer de livre et tourner certaines pages, y'a tant de souvenirs, notre amour ne s'oublie pas. J'ai tant de mal à vivre quand tu es loin de moi. J'ai essayé de fuir, mais tout me ramène à toi. J'ai besoin de revivre, de retrouver tes bras. Ce soir, j'ai besoin de m'ouvrir, mi amor, reviens-moi. Tu es loin de moi. J'ai essayé de fuir mais tout me ramène à toi. J'ai beau changer de livre et tourner certaines pages, y'a tant de souvenirs, notre amour ne s'oublie pas. J'ai tant de mal à vivre quand tu es loin de moi. J'ai essayé